président Moïse Katumbi Tchapwe, roi Salomon Escadela, Francis Kalombo Solution, Don Piero à l'Italia, trésor Mputu Touré à Gaga, les grands Claude Ibalanki, au Vatican Manitou, je salue la reine Manitou. Il n'y a pas de bon roi sans grande reine. Le seul vigneron congolais, roi Manitou Ludovic Biard. Grand Kassai, Denis Kambay, y a Jean-Baptiste et Kwaki. Mame, mame, mama, le roi Bomae. Yves Kondé. Mame, mame, mama, Manitou Bomae. Maxime Chanel. Mama, yu. Mame, mame, mama, Ludo Bomae. Eric Kabemba. Mame, mame, mama, Océan. Pierre Bomae. William Ortega. Oye lingi motema, e lingi nzoto mo bimba. Oye boi pe motema, e boi nzoto mo bimba. Ko zanga yo lido ye ye ye ye. Échec total ya la vie nanga mo bimba. Maleli, pardon chéri, fongo langa na nyembe. Le roi manitoa le la ninga. Moderon Timba, na nou memba honorable. Oh le longa na sasali. Lelo ngana boule na kai, ngana pige wo wo wo wo. Silva mabanga, le roi pesa nga bolingo rouge à lèvres, souka kasi na lolemo. Le prince, la maloba souka li. Saint Martin, zoka na monte molinga kanoli susunga te. Melos mune, pardon chéri, fongo ngana niembe. Leli kapinga lela ya Didier Okito. Bobo bobo ya Nora. Edi kamina dinosaure. Théorie na pratique. Machine. Yo moto prena nga nga. Inauguration corps humain na nga. Moto salaka nga nga. Oh, oh, oh. Tu mérites une médaille. Hervé Ngali. Voir même un diplôme d'amour. Na Leli Jonathan Dineka. Ya Givanda. Yondo la kisanga caresse. Voilà qui s'en attendrait. Josué. Auteur de mes frissons. Béa. Chéri, au pé s'en a les sons. Nayoka peba son. Wou wou wou wou. Kap doudou nzenze bonbon. Bonbon ko jake. Panami ke balela. Adeline Panzou. Katimbia. Zadio Moulumbo. Sois la mon bobé. Car tu peux tout faire de moi. Dans le bien comme dans le mal. Selon désir na yo moko. On trouve les plaisirs nanga, sentiment nanga, comme idon, yeah. Zote comme idon, tremblant koleka, takutunina. Pardon, ne faites pas ça chez moi. Dodi chumu wapisi la soa mangituka. Mariam Bouema, ya Eliot Mondobe. Claudia Wangata wapile boukontier trésor yolo. C'est Bitela. Vanessa Kaliza, Céline Tchinkunku, Honoré Mvula, Dedosh Lusangi, Henri P. Kabaïdi. Vanana Désert, oui, ben importance, Yamaï. Ilrich Manono, c'est Ambléa, et ben importance, c'est à Sophie. Kalombo, Franchou Bajoko. Baninga Bapé, Singa Tolina, Boya Yomo, Teme, Koma, Fanatique, Nayo. Et Boyanga, Kolomo, Teme, Atanazu, ba décision. Liboso, Manitou, Nanga. Nakoma kananga zoba, nakoma kananga kiole, nakoma kananga kizengi kidengele. Kidengele papa, kidengele. Imani, Doris, kidengele. Arsene, kidengele. Mutombo, Ludovic, kidengele. Ah, Francis Biard, ya Dominique Migisha, prince. Ornella Kalombo, Joël Tamouk, Dominique Fontier. N'élection à Bamoura, Lido sa candidat unique Nangaï. A ta propre succession. Oh oh oh. Déo Bolégué. Je te jure na isoloua rassentiment. Na vota yo nangoye. Monte ma pe ma kanisi Nangaï. Vota yo massivement. Pardon, ne faites pas ça chez moi. Kalubi alela yanikwilu Olivier Okito Nanyeza la damo beba sistenga na chalero na zoyoka Pius Mumba Nanyeza la damo beba sistenga na chalero na zoyoka ma bubu na ngaye nyembe soka nginga ya Kriste nwa kutu ekosa okay, chale li balange nyo swa mokili cheroso koma kakate desere mwa en franse isi pa mwenye de souffle na le li tin angle Tina. Please please my baby Max leave me Mukumi. Leave me Honorable Dibinga Kolesha Na lelite na Kikongo Kiadi mono si fwa Cedric Na lelite na Chiluba Ngante Lidon